Chapitre 21e. Le diable boiteux. La nuit a été assez fébrile. Je n'ai toujours pas trouvé le lien qui unit les protagonistes de l'affaire. Et il me tarde de mettre la main sur Mertens. Toujours rien ? Je demande à Michaud, anxieux. Négatif. Bon, écoute, il faut se rencarder auprès du trésor public. Michaud ouvre des yeux ronds. Je lui explique l'idée que j'ai eue concernant la pension possible de Mertens. Eh, c'est pas con, ça. Oui, merci pour le qualificatif. On va mettre ce bon sur ce coup-là. Je veux une réponse rapide. Pendant ce temps, je joins les hommes planqués à ce salon chez Gilda. Toujours pas de signe de vie de Vergneux, ni de Mertens. Tu sais qu'ils nous auront fait courir, ces deux-là. Ce n'est pourtant pas la banlieue parisienne, ici. Oui, patron. Mais c'est plein de maisons isolées et les planques sont plus faciles que dans une ville où chacun écoute vivre son voisin. Dans la matinée, les collègues de Marseille confirment qu'un dénommé Vergneux faisait partie de la bande arrêtée dans les quartiers nord. Ça lui fait un mobile de plus pour vous descendre, commissaire. Certes, mais je vois toujours pas ce que vient faire Mertens dans cette bande. Un peu avant midi, ce banc revient du trésor public. Le visage point souriant, puisqu'il n'en est physiquement pas capable, mais l'air serein. Et voilà le travail, fait-il. Il existe bien un Mertens qui touche une pension, et qui a fait son changement de domiciliation il y a un an environ. Auparavant, il crêchait à Nice. Il a donné comme adresse rue Granet. Et je parie que tu n'as pas demandé s'il se faisait envoyer sa pension ou s'il passait la toucher au guichet. Eh bien, il passe la toucher, voilà. Ce n'est pas parce que je viens de l'autre côté de la Méditerranée que je suis complètement con. Ça y est, murmure Michaud, vous me l'avez vexé pour la journée. Je me frotte la joue du dos de la main en signe d'agacement. Je vais néanmoins faire un effort d'apaisement. Ce banc, je n'ai pas voulu vous vexer. C'était une simple question, mais maladroite, je le reconnais. Vous voulez venir avec moi? On va voir un peu ce domicile rue Granet. C'est loin? Non, répond ce banc. On peut y aller à pied. C'est derrière la prison. Rue Granet, la cage d'escalier sombre et étroite annonce un immeuble très modeste. En bas du couloir, les boîtes aux lettres en bois, de taille et de couleurs variées. Sur l'une d'elles, une étiquette sale et mal écrite annonce « De Kert Mertens ». Le deuxième nom a été rajouté récemment, c'est visible. Ce banc frappe à la porte du premier. « De Kert ? Non, c'est au-dessus », nous répond-on. Au deuxième, un homme d'une soixantaine d'années nous ouvre la porte, vêtu d'un maillot de corps et d'un pantalon usé. « Police, nous cherchons Charlie Mertens. Vous le connaissez puisque son nom est sur la boîte aux lettres. « Ah, Charlie, oui, je le connais, mais il n'habite pas ici. » Il a donné mon adresse pour sa pension, mais il n'habite plus chez moi. Il faut nous en dire un peu plus, monsieur Descartes. D'où le connaissez-vous? On est du même patelin du côté de Lens. J'ai bien connu sa famille, nous étions voisins. Quand il n'y a plus eu de boulot au pays, je suis venu m'embaucher ici à Gardanne. Après, j'ai perdu ma femme et je n'ai pas le courage de revenir dans le Nord. Quand Charlie a voulu revenir travailler dans le coin, il est venu chez moi et je l'ai hébergé quelque temps. Et maintenant, il habite où? Je crois qu'il habite dans une exploitation du côté de Puy-Ricard, où il a trouvé du boulot. C'est un brave gars qui n'a pas eu de chance, vous savez. Rassurez-vous, nous ne lui voulons pas de mal. Dites-moi, comment il est ce Mertens? Moi, je l'ai connu il y a quelques années en Algérie, mais je ne sais pas si je pourrais le reconnaître. Ah, vous l'avez connu avant son accident, alors? Il n'a plus rien à voir avec le gars qu'il était. Oh, le pauvre, on le reconnaît de loin, rien qu'à sa démarche. Mais quant à sa figure, c'est un cauchemar ambulant. De retour au commissariat, je prends les clés d'une voiture de service. On prend Michaud et direction Puy-Ricard. On me laisse renseigner auprès des gens chez qui travaille notre homme. En arrivant sur les lieux, ce banc garde la bagnole à l'écart de la ferme. L'exploitation agricole comporte plusieurs hangars. Je remarque qu'il est facile d'y cacher un Dodge. Plusieurs hommes, apparemment de plusieurs ethnies, vont et viennent affairés. Ce serait étonnant qu'on n'obtienne pas un renseignement quelconque. Le chef d'exploitation arrive juste à ce moment-là. Il garde sa voiture à côté de la nôtre et vient à notre rencontre. Il a l'air de quelqu'un de sérieux. Chemise blanche propre et repassée aux manches relevées, et un feutre neuf annonce le propriétaire aisé. « Nous cherchons un de vos employés, un type qui boite. Il se nomme Mertens. »« Ce nom, ça ne me dit rien. Mais j'ai effectivement un ouvrier qui boite. Ça fait une dizaine de jours qu'on ne l'a pas vu. Il a fait quelque chose de mal. Non, pas du tout, tranquillisez-vous. Est-ce que vous pourriez déjà me le décrire? Ah, c'est un homme bizarre. » Au premier abord, il fait peur. Il a ce qu'on appelle une gueule d'enfer. Il a été défiguré à la suite d'un accident de voiture, d'après ce qu'il m'a dit. Il boite effectivement. Il a une jambe coincée qu'il ne peut pas déplier. Est-ce qu'il a des béquilles ? Oui, des fois. Il n'en prend qu'une et des fois deux. Dites, commissaire, comment vous dites qu'il s'appelle ? Mertens. Mertens ? Oui, c'est son nom. Et votre gars, vous l'appelez comment ? Charlie. Charlie Lance. Oui. Il s'agit bien du même homme. Vous savez où il habite ? Ici. Il a une chambre. Vous voulez la voir ? L'homme nous emmène dans un bâtiment à l'écart de l'exploitation. Attendez-nous là, dis-je au patron. Et pour l'instant, ne dites rien à qui que ce soit. Je ne veux pas que les autres ouvriers nous voient et puissent avertir notre gars. En fouillant avec soin, Michou et moi découvrons une vieille photo certainement prise dans le Nord. Pas de doute, c'est bien lui, dis-je à Serge. Sous le lit, Michou découvre des pièces mécaniques emballées dans du papier journal. Derrière le bois du lit, je pousse une exclamation en apercevant un pistolet maintenu contre le bois par un paquet de papier collant. J'inspecte l'arme sans la décoller de son logement. Merde, c'est mon flingue, Michou. Qu'est-ce qu'on fait, patron ? On embarque les pièces à conviction ? Non, remettons tout à sa place. Laissons faire. On va voir ce qu'il mijote, si toutefois il revient. Juste avant de sortir, je glisse un petit papier sous l'oreiller de Mertens. Fais attention à toi, le ch'ti. Signé Gino. Je ne peux tout de même pas croire que ce gars ait été viré de bord à ce point, surtout après ce qu'on lui a fait subir. Je ne sais pas à quoi va servir mon avertissement et à quoi il va aboutir, mais je me sens la conscience plus tranquille. Si les choses tournaient mal, je pourrais toujours lui dire que je l'avais prévenu. Dehors, nous retrouvons le patron de l'exploitation. Si jamais il se pointait, motus, ok. Quel est son job chez vous ? Il répare les machines agricoles, c'est un as dans sa partie, et quelquefois il conduit les engins. Il n'a pas de difficulté avec sa jambe ? Non, une fois qu'il est assis, il arrive à débrayer sans problème. Est-ce que vous lui connaissez des fréquentations ? Écoutez, ça va faire 2 ans qu'il travaille pour nous. Au début, il ne quittait jamais l'exploitation. Et puis, depuis quelques mois, il est sort souvent. Un type vient le chercher et parfois il ne rentre que le lendemain. Mais ça ne l'empêche pas de faire son boulot. Ce type, c'est lui ? Demande Serge en lui montrant la vieille photo de l'armée. Difficile à dire. Oui, c'est possible. Mais l'autre aussi, celui qui est là, me dit-il en montrant Vergniaud du doigt. Je l'ai vu. Il est venu une fois le chercher. Et cet engin, ça vous dit quelque chose ? Dit Serge en montrant la photo d'un Dodge. Ah, je suis monté sur un truc comme ça quand les Américains ont débarqué. Ah, qu'est-ce qu'on était contents, je vous raconte pas. Et Lance, vous ne l'avez jamais vu avec un camion comme celui-là ? L'homme secoue la tête négativement. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec un engin pareil ici ? C'est une exploitation moderne. Venez voir. Non, non, je n'ai pas le temps. Vous pouvez m'assurer qu'il n'y a pas un camion comme celui-là dans l'exploitation ? Ah, ça oui. J'inspecte tous les bâtiments tous les 2 jours et si un bahut pareil était planqué chez moi, je m'en apercevrais. Je demande avec force circonlocution à ce banc de rester sur les lieux et l'assure que je lui enverrai une voiture dès mon retour au commissariat. Il faut planquer, au cas où Mertens réapparaîtrait. Dans la voiture, Serge et moi faisons le point. J'en ai besoin autant sur le plan intellectuel que sur le plan affectif. Il me plaît de plus en plus, ce Lyonnais. Michou commence. C'est donc lui qui vous a piqué le flingue et le camion ? C'est clair. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il fréquentait Guelmar et Vergniaud. C'est ce que je disais ce matin, Sylvia. Pourquoi il ne les a pas liquidés tous les deux en même temps ? Au moins qu'il ne soit devenu amnésique. C'est possible avec les coups qu'il a pris sur la tête. Vous ne pensez pas, commissaire ? Oh, arrête de m'appeler commissaire. Dans l'intimité, tu peux me tutoyer. Michou se rengorge, tout content de ce qu'il vient d'entendre. Il a hâte d'étreindre ce tutoiement. Il l'attendait depuis un sacré bout de temps. Mais son éducation et sa réserve l'ont empêché de brusquer les choses. Alors, Gino ? Je crois que finalement, ce gars est beaucoup plus futé que ce qu'on ne le croit. Son infirmité a dû au contraire développer chez lui des trésors de machiavélisme. C'est bien mon avis. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien, pourquoi ? On va se faire des brochettes à la maison sur un feu de cèpe de vigne, ça te dit ? Bien sûr que ça me dit, j'adore ça. Porterai le pinard. Parce qu'ici, vous croyez avoir tout inventé, mais excuse, par chez moi on a des pinards qui méritent le respect. Alors tu me laisses en haut du cours Sextus, et je vais acheter ce qu'il faut dans la rue des Cordeliers. Sylvia sera contente, elle adore avoir du monde.